Ouais. Posté en boîte la pute, tu vois trop d'abus. J'écris posé sous ma capuche, trop de sac à puce. Si ça t'a plu, v'là ma pensée pour que ça claque plus à la crapule. Qui dépose son flow avec un style élégant, qui squatte les bancs mais qui veut s'en sortir. Et ça, ça te brise les gens, je méprise les gens qui les gens. Ne demande pas pourquoi le sort, j'pars route. Parce que la vue de ma fenêtre pourrait te pousser à finir sur le carreau. Y'a pas de braco. Écoute ce son, mais t'en vas pas, papa. Moi j'ai déposé ma pose et déposé les causes et t'entends pas, papa. J'suis pas bavard, pourtant j'ai un projet. J'aimerais le boucler, me dire que cette vie m'a fait une verge, t'avoue que ça serait le bouc. Et j'ai beau tuer le temps avec mon crew, chaque macro qui fait sa scène. Je vois plus loin que le bout de mon est pas comme un mec. Donc rêve la sec en MSD débarque, c'est du grand sport. Tout ce qu'on a en commun ici, c'est là que j'allais et les transports. Moi j'vois que le bus fait des avances, alors c'est dur de prendre du recul. Car la seule fois que j'ai vu la vérité en face, j'avais la tête dans le cul. Quand j'vois que le bus fait des avances, j'avoue c'est dur de prendre du recul. Car dans cette atmosphère austère, nos soucis prospèrent. Le but c'est de marcher droit, mais la plupart des gens titubent. Car dans cette atmosphère austère, nos soucis prospèrent. On rattrapera pas le temps, même en fixant la pendule. Car dans cette atmosphère austère, nos soucis prospèrent. Mais je répéterai pas, j'espère que t'as bien entendu. Car dans cette atmosphère austère, paraît qu'il faut se taire. Depuis le début, je vois que les coups de grâce en passe en tasse. Une basse en grave, on bappe, c'est pas réduit, fallait que ça se sache. Ces mauvaises ondes qui démarrent et dès le départ, y'a pas de faux pas si t'es pas sûr. T'engages pas si t'es pas cru dans ton langage, on a la rage. Depuis le début, je vois que ce monde s'auto-détruit avec en prime des innocents au milieu des tirs. Je me rappelle jamais de mes rêves, car je me tape des glitches jusqu'à la gerbe en oubliant la veille. Pourtant, j'étais nourri en mode éveil. Ils parlent de taf, de conjoncture, mais ce qu'ils savent pas, c'est que pour nous, c'est le plongeon sûr. On aperçoit la liberté qu'à travers cette serrure, et ça, c'est sûr. Encore 7-5-0-1-8, pose pas de questions, toujours en première ligne pole position. Mais c'est la mission des millions de défenses qui font qu'au fond, j'ai pioncé quand j'y repense. Je vois que ce soir c'est sans issue, y'a pas de solus. Malgré qu'on a le tonus, dans ce monde y'a pas de douceur à part dans ce papier lotus. Quand je vois que le vice c'est des avances, j'avoue c'est dur de prendre du recul. Car dans cette atmosphère austère, nos soucis prospèrent. Le but c'est de marcher droit, mais la plupart des gens titubent. Car dans cette atmosphère austère, nos soucis prospèrent. On rattrapera pas le temps, même en fixant la pendule. Car dans cette atmosphère austère, nos soucis prospèrent. Mais je le répéterai pas, j'espère que t'as bien entendu. Car dans cette atmosphère austère, paraît qu'il faut se taire. C'est vraiment à ça que vous avez envie de penser aujourd'hui. Pas toi? Non, je pensais pas. Et pourquoi vous me racontez ça? C'est quoi le rapport avec moi? Surveille tes arrières,